nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonné. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission 388, Trihan Hayes à Pevarugen. C'est ça, Henri? C'est ça, moi, Tri. Et aujourd'hui, on parle à nouveau d'un prénom, puisqu'on a déjà vu Fanch, on voit Yann. Oui, je m'étais dit que ce serait bien de parler un petit peu des prénoms les plus connus. Peut-être même après, on parlera des moins connus. Donc, le prénom Jean. Donc, il se dit Yann en breton. Yann. On va voir que c'est pas toujours le cas, mais enfin bon, normalement c'est Yann. Alors c'est un prénom, c'est un prénom biblique, hein, donc qu'on trouve dans tous les pays influencés par la chrétienté. Hein. John en anglais, Johann, oui, Giovanni en italien, voilà. Hein. Donc on trouve ça un peu partout, soit seul, soit en nom composé. Par exemple, en Bretagne, ici, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jean-Marie, hein, Jean-Maille, ici on dit Jean-Maille, hein, ou bien Jean-Louis, par exemple, Jean-Louis, hein, voilà, et d'autres associations. Mais enfin, c'était Jean-Maille et Jean-Louis, hein, les plus répandus d'autrefois. Et donc, c'est la répartition du Jean, l'expansion du nom Jean, c'est un phénomène religieux à l'origine. Et on pense que en Bretagne, où il a connu vraiment un grand développement, puisque au XVe siècle, il y avait à peu près un homme sur trois qui s'appelait Jean. Ouais, pratique, donc, hein. Oui, Jean ou un dérivé. Hein. Donc, on pense que c'est dû au fait qu'il y a eu des ordres religieux, en particulier l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, hein, ce qui explique aussi les chapelles qui portent ce nom-là, comme la chapelle Saint-Jean du Lord, par exemple. C'était une chapelle due à l'ordre des hospitaliers. Alors quand on parle des gens, justement, hein, puisque c'est un phénomène religieux, donc il y a des Saint-Jean, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais plusieurs dizaines, hein, qui ont été reconnus par l'Église, mais il y en a deux qui sont importants, c'est Saint-Jean-Baptiste, hein, et Saint-Jean l'Évangéliste. Alors Saint-Jean-Baptiste, on dit « Zanyan va des ours » en breton, et Saint-Jean l'évangéliste, Zanyan Avieler, hein, Avieler, hein. Donc, Aviel, c'est l'évangile. Donc, Saint-Jean-Baptiste, hein, il est bien connu, puisque c'est le précurseur du Christ, hein, donc, et qu'il a eu une fin tragique, hein, puisqu'il a été décapité pour faire plaisir à une courtisane, en fait. Donc il a en fait deux fêtes, hein, donc le 24 juin, qui est la Saint-Jean d'été, et le 29 août, qui est toujours en été, mais qui est la décapitation de Saint-Jean, quoi. Donc en fait, c'est un des rares saints à avoir deux fêtes. Mmh. Hein. Et donc l'autre, c'est l'évangéliste, hein, donc qui a sa fête au mois de décembre. Hein. Donc voilà, donc c'est deux saints. Le Saint-Jean-Baptiste, c'était un personnage très important, puisque c'est lui qui était le précurseur du Christ, qui a baptisé le Christ dans le Jourdain. Et justement, dans toutes les églises, on voit au-dessus de la fontaine des fonts baptismaux, on voit un vitrail en général, ou une représentation du baptême du Christ. Voilà. On disait que c'était une voix criant dans le désert, hein, vox clamantis in deserto. J'aime bien cette expression-là. Des fois, je pense que nous, à RKB, on est un peu comme ça aussi. Non, mais par rapport aux grands médias qui diffusent une information un peu convenue et aseptisée, on est un petit peu les petits poussets, quoi. Hein. On est un peu vox clamantis in deserto aussi, quoi. Voilà. Alors, donc la Saint-Jean, la principale. Donc, qui a été une christianisation du solstice, de la fête du solstice du 24 juin. Donc, on l'appelait Gwélion. Hein. Et d'ailleurs, il y a un verbe, hein, qui est Gwélion, qui veut dire pour l'herbe se dessécher. Autour des rochers, par exemple, mm-hmm. vers la Saint-Jean, on voit l'herbe se dessécher. Pas tous les ans. Hein. Pas cette année. Non, il y a certaines années où on voit ce phénomène-là, quoi. Et c'est à l'occasion de cette fête-là qu'on fait les tentates. Voilà. Alors les feux de la Saint-Jean, hein, qui sont répandus dans toute l'Europe, c'est à l'occasion de la Saint-Jean. Voilà. Alors donc je disais, l'autre Saint-Jean, c'est le 27 décembre, hein, et il y avait un proverbe qui disait un douyan rend leur blanc un doudam. Hein, les deux gens partagent l'année en deux morceaux. Hein, voilà. Et alors l'autre Saint-Jean, hein, donc le disciple du Christ, on disait celui que Jésus aimait, donc qui a écrit le quatrième évangile et qui est mort à Éphèse. Après, à peu près vers 100 ans, hein, on ne sait pas trop, mais il a vécu très vieux, quoi. Alors, comme je le disais, le nom Jean est très très répandu en Bretagne, et il s'écrivait Géant, J-E-H-A-N. Et comme au Moyen-Âge, le J se prononçait I en breton, ça a évolué vers Yann. Par contre, le nom Géant est resté comme nom de famille. Hein. Donc, il y a beaucoup de géants... il y avait même des gens qui s'appelaient Jean-Jean, hein, mmh. Jean Géant, ouais, voilà. Et donc le nom de famille Géant est resté. Alors, ce qui est amusant, c'est que le nom Yann, en fait, n'était pas porté par les gens. Les gens disaient Jean, hein, par exemple, mon grand-père maternel s'appelait Jean Conan, Jean Gonden, hein, et on appelait toujours Jean. Mmh. Et par contre, on bretonisait des fois, par exemple, quand c'était Jean-Marie, on bretonisait le deuxième, ou Jean-Louis, même phénomène. Mmh. Mais alors, par contre, on trouve le mot Yann dans beaucoup de contes, parce que Yann, c'était aussi, ça caractérisait une personne. Par exemple, on disait Yann Gouer, Jean le bonhomme, quoi, le paysan, quoi, c'était la symbolique, le symbole du paysan, ou Yann Vartelot, hein, le matelot. Ou Jan Zoudard aussi, hein, quand on parle de... c'est un peu l'abstraction du soldat. Hein. Et Jan Zoos aussi, pour parler des Anglais, on disait Jan Zoos. Voilà. Et il y a énormément de chansons où on va trouver Jan... Hein, « Quand le peu saute à Jan hein, », voilà, ou bien Yannick aussi. Hein. Yannick Villevichère, par exemple, chanson de Philomena Cadoret, on trouve qui est l'équivalent de Jeannot, en fait, le diminutif de Jean. Voilà. Donc on va trouver ça dans pas mal de chants, de chansons, dans des contes aussi. Par exemple, à l'Henri Vin, il y avait Jan Er Vanten, hein, un conte qui se traduirait par Jean de La Fontaine. Mm-hmm. Voilà. Donc il y a beaucoup de par exemple aussi dans les proverbes, on va trouver par exemple Juan di Mesi a bevampel, ne spébian a pepcatel. C'est-à-dire donc chaque Jean et chaque Catherine a envie de se marier et de vivre longtemps. Mais en fait, il s'agit d'une abstraction pour dire une jeune fille, toute jeune fille ou tout jeune homme. Voilà. Ou alors aussi on dit tant ma tant me vegret bras goût de Jan. Petit à petit, on fait sa culotte à Jean, c'est-à-dire les hein, pour dire que les choses se font progressivement. Ou alors on va dire aussi hein, pelle et Jan de Zigazek. Pelle et Jan de Zigazek, le conte n'y est pas en fait. Uh-huh. Hein, voilà, Pelle et Jan. Voilà. Alors il y a énormément de, il y a 160 communes en France qui portent le nom de Saint-Jean, uh-huh. dont un certain nombre en Bretagne. Hein, Saint-Jean-Brévelay, Saint-Jean-Cardaniel, uh-huh. Saint-Jean-Trolimont dans le pays Bigoudin, Saint-Jean-du-Doigt uh-huh. dans le Lyon-Orbis. Hein, voilà. Donc bon, c'est un nom qui a été donné à beaucoup de et à des lieux-dits aussi, hein, parce qu'il y a les communes, mais il y a aussi des lieux-dits. Bon ben, des cœurs rebelles, Yann de Zigazek, hein, on va donc s'arrêter là. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezonek tant m'attend. Thank you.

Troisième partie d'émission, Petra Zonévé Arvro Eri. Calze draouz o neve ar vro evel just boervej diouzan. Krogom de diantan evel kustum, gant de l'ar bourdouar hag vu e oa ar mez. Eruion bremon bantnan, bon guire, ne ke gwal vant an amzor c'hoaz, ne ke gwal kaz gwal ar vi ba neve amzor, an amzor ba neve amzor zo be yin, avel zo bet, hag neus ke bet kalze de vezioù amzor vrao. Met spimeus me mestra ove gwal ar an amzor, or vech peneket, ba miz vwen, pe ba miz ez, gwellet vo, kaz eve fe bemad, vid un dut, vid spir ad un dut, hag vid un trevad o evel just. Bon, gwellet vo. Gwell am eom war, pu on komz deus la bourdouar, komz eom war war lanne deus deus kud en eus chalotez. En dud am eus o kustum de lakat chalotez, a de zibi chalotez. Ma trez en neptor vigwegel, me me mestra ve kav kalz e chalotez oaz ba li orjou. Hag tout en dud war mad or pen chalotez neket or pen onion. Met bremañ zo kudenn o deja zo bet da gant se pe dur zo tud a lak a onion hardet ave lak de din dan naun chalotez hag un onion neke chalotez a se tu zo sort brezel vide chalotez a tre tud bro a land a tud zbreiz a ma meus bremañ ba meus gwellet ba loare a eus ve lak de onion hard ave laket chal ave laket warne in chalotes avant c'est ma brain et chalotes di wal mot hein quand ma treizen pour onion vide ma place de chalotes ma mestra jon jan vos cave don disclum benek de nafers et benefin bon calze du de skion zour marément au classe rien chou neve vide la bourdoua de zive comme ce cal un pesa mot de halfe la bourdoua rebrovrance don de mes deus un toul l'er man kouet. Hag mesk un dut se, un dut de skian, zo nan a zo hang Daniel Naon, hag on den zo ampard war un douarou an eus skrive de lever, sauvons l'agriculture. Hag zo jalra e gwal boan chanj mot de broduin gant doujans de ze nature a deus un douarou. Bon kal ze draouz o beskrive war ze, me benefin ne ket gwal skler an trou vi kado nen, vid don mes deus un toul. Bon, pe on kom zon tamm deus un endro, un DL oa bet digor kalz liorj ou bavro, hag zo bet kalz dud o fell liorj ou peudur blichte de vrotonne, da, am blichte liorj ou, da skwer oa o gerdin ba telen, zo ze zo war barouz la ruen, a kalz liorj ou el roaz, on tamm ba boul vriag a lerel, un dro de gal aga, hag bon zo bet kalz dud a zo et fell liorj ou, peut-être une moine de velpe sa mode de vegrette vicard bleugne ou légumes à bob sortra bon comme en mon temps vraiment deux économies et orvro un dl ou big in bonne do on en classe au begrette quand or strolat mobilité au nord noir nugen war liné nous hen tour de velpe sa mode ve fait moyenne de din gali nech o ouan banam zon de zon. Hag e président de Strolet ze, e notre vulup Duron, a zo maire bakan, ba bro Normandi, a sénator. Hag hez neus gret d'or studi, a neus laket, ma peswan ne vo ke neus jonget, ve fe be mad gotaz dauvil tregon, de gaz lin an antillez vras, deus roazon bet a Brest, a beta kemper. Hag evel just pen o braz o breiz an menin ke kont an granze, putur o a be promet de vije be gretze ba blavezou de zon. Bon, gwell vo pis a mod vo kont gant an nintou an de ziz roar vo rat komzet prestig. Un DL bar ostren, vi komzon tamm de speso bavro, o a be igor edo ar an ton braz li ors ba kreistier, liorz vanten, pe le dier vanten vel velaret, hag zo l'air bratri e virionne, hein, gant o l'air vid tout un dut benefin koz a yoan. Hag un daou doulkar d'an barz o zo be hanvet, o nan Filomena Cadoré, hag o nel Simone Lemoigne. A zez o an dravad, lakad de hanou tut de zorvro. A liz meus be komz d'an meus Filomena Cadoré, hein, Wadesbonen, hein, Hanve de ce non plus une Kulmi Garvor, Hagen de Sgred de Scrive Kalzedrow, Brezon, Vel Kanoen, ou hein, Vel Valherien, hein. Tien dan la gouloude, miglever falherien. En grand oeuvre, une braterie, pis yannig a vilvicher, avec, comme zela, mi e yannig a vilvicher, mi e yannig a vilvicher. Hag, pis sa maudroise, vatesian, hein. Un oeil ne de richan, un yol zolawen, hein, bon. Calze grand oeuvre nous dis. Hag, philomena cadore, de ce, ne scrive calze droit ou barzonneg ou à penade ou scrive à bougomertro. Alice me sbicombe de divé de Simon Armoigne, hein. Puis dire, Simon Armoigne, ou de smorgor, bah, trégorne. Hag, wa, olivour, zom, par tré, hein, de scrète calze droit. À scrive ne zivé barzonneg, hein. Bon, puis on compte, je, de sais justement de Simon Lemoigne, hiver, il merde, la remote. Il mère Simon et Anne Vines, nos profs de on dolen de Simon Armand de Ticker Gronvel. Ah que voilà que bah ça le conseil bah Gronvel. Ah que moyen de nuit dans de vel un dolen. Peon de Combs de Igor il trouve un ton de bras, mameuse maudoua, Igor d'un DL, Mirdis en connant. Mirdi patriote de ma personne puis durement asé avec compte d'histoire patriote de part de Brésil à calze du déroi et non un peno bras à une minute hein bob sort à que miwa bépide d'un bédette à me scade plus juste clé d'or bugal et bugal et orvro bugal et un RPI velver ne scande de Amzor Helles hein le temps des cerises une galac à me scade zébra. Quand veut me splis, j'y vais, comme joue un nitron, Marie-Jo Chombard de l'eau, heur plar gosse, mais de l'hémisphère, à gagner ce comme ce clair, à hib, hard, ou ma personne, c'est d'ichetine pv, comme je dis ça. Plusieurs rondes comme de ce nitron de Chombard de l'eau, heur plar elle, de ce vro, de ce boulevrier, que pilar in mode, Denis Orfloïc, ou à grande de Denise Orgrette, hein, Péwayo, ne au vorod y haun de straight de ze bourg plouvagan. Don nen ba de ba beau plouvagan. Ba fine miswen. Hag bu et heur place au bécompte de Jean-Paul Roland des vaisseaux. Hein. Hag bon, sais-tu, vos Igor de nen à la reine de naun. Denise Floyd. Bon, les vaisseaux une bande de un hiver un Noah Hunter camp de Zer Gelo un pays d'Arguat ag bagelo un ze veca de bonne calze dro de diantan zo veca d'histoire skols en dant de boulevriac de scrive de grand Jean-Paul Roland ag Waller nazé zo au temps scrit ou parous carnoet or penadas au bescrive de blamino hantrugen grand Joseph Guigan ag un penadels au war noblans mini briac scrive grand Yannick Botrel ag bon hendel walerzo un temps penad scrive gredmi war histoire lor histoire pure d'ag histoire lor. À Waller, c'est Hans au bu et Joseph Marie était ou à personne, ou mais personne bas en égant. À Waller, personne en service. Pèlerine mode. C'est du vécu calze drôle bah Gelo et pays d'Arquat. Bon Handel peut se guel de Waberha au nom de réseau Chomba département de la Guilen. Un angle brétilien, on te refait une tisoire, hein. En me fait l'art de Costa Moricande, mais me s'que béclé veux-tu de l'art, ou une Costa Moricande. Guy au nord me s'béclé de notre ou le breton, mais, et d'elle me s'que béclé veux-tu de l'art, ou une Costa Moricande. Au rang que d'aguer au calze du d'alar, ou une brétilienne, puis Brétilien, le droit en cadavre. Pessamo avait fait Bélardine, Brézonec, hein. Gweldo. Mais de, bon, Hendel, Hendel me squel, ouais, piqué yarmène, yar, azo, hat, krog, dor, de la bourre, ad bakar, noeda, hein. A blanc, me vaugré, donne, belzen, oise, vel, zankado, hein. Zankado, zo, bopet, pétur, zankado, zo, de zo, loram. Hag, bon, des obrao. Bon, sais-tu, grême, mon temps, mon trop, de spézois, neve, bavro. Hag, ben, végel, voilà, ravoise. Kenavo, chilo, et en l'air. Kenavo, Eric.